Chapitre 19. La maison de Mademoiselle Tudor était parmi les plus modestes de la ville, pour la plupart disséminées à la périphérie de celle-ci. Comme beaucoup d'entre elles, ce n'était pas une maison en pierre, mais en bois. Quoique modeste, elle ne manquait guère de charme, soigneusement entretenue et décorée avec goût. De plein pied, elle devait compter une soixantaine de mètres carrés sous son toit, et un garage jouxtait son mur méridional. Volet fermé, elle semblait certes inoccupée, mais pas à l'abandon. Regardez les fleurs aux fenêtres, fit remarquer Lorraine au détective, tandis qu'ils approchaient de la bâtisse. Eh bien? L'institutrice a disparu depuis plus d'un mois. Quelqu'un, à l'évidence, vient les arroser régulièrement. Et la petite allée serait couverte de feuilles mortes si l'on ne venait pas la balayer de temps en temps. Edward hocha la tête, puis inspecta les alentours. « Bon, sommes-nous sûrs que c'est une bonne idée, alors ? » grommela-t-il inquiet. « Quelqu'un pourrait venir. Mais non, tout va bien se passer. » « En général, quand quelqu'un prononce cette phrase, cela finit mal. Je ne vois personne dans les environs. » « Si vous voulez, nous n'avons qu'à passer par derrière. J'allais justement vous le proposer. » Ainsi, après s'être de nouveau assuré que personne ne pourrait les voir, ils contournèrent discrètement le terrain par la droite, se faufilant entre les arbres. Mademoiselle Tudor faisait partie des nombreux habitants de l'île qui n'avaient pas le souci de délimiter leur terrain par un muret ou même une simple barrière, si bien que les deux investigateurs purent aisément rejoindre la façade arrière, où se trouvait une seconde porte. Un potager trônait au milieu du jardin, mais il semblait, lui, ne plus être entretenu. Après avoir fouillé les environs, Lorraine revint avec une sorte de barre de fer qu'elle avait trouvée plantée dans le sol et qui avait dû servir naguère de tuteur. « Que faites-vous ? » s'exclama Edward en la voyant approcher d'un pas décidé. « Eh bien ! » Pour faire levier, avec la porte. Mais avez-vous perdu la tête, espèce de barbare ? Il la repoussa gentiment sur le côté et sortit sa petite trousse à crochetage de la poche intérieure de son duffelcoat. Laissez donc faire les professionnels. Lors, le Britannique se mit à l'œuvre. Il ne lui fallut guère plus d'une ou deux minutes pour parvenir à ouvrir la serrure à l'aide d'un crochet et de son entraîneur. « Et voilà le travail » murmura-t-il en poussant doucement la porte d'un air victorieux. « Dame, cela fonctionne à tous les coups ? Depuis le temps que je m'entraîne, j'ai atteint un taux de réussite qui frôle les 80%, mademoiselle. Mazette, allons, pas de bruit !» Ils pénétrèrent prudemment dans ce qui s'avéra être à la fois une cuisine et une salle à manger. En son centre était disposée une petite table carrée, en pin, entourée de quatre chaises. Mais l'on imaginait aisément que Mademoiselle Tudor devait y souper seule la plupart du temps. L'absence de bibelots, de tableaux, le sol en tomettes et les murs blanchis à la chaux témoignaient de l'usage fonctionnel de la pièce, sans la moindre décoration, et de la volonté d'en garantir une hygiène facile à entretenir. Quelques rares gouttes d'eau s'écoulaient sous une haute glacière à compartiment, indiquant que la glace, qu'il fallait réapprovisionner d'ordinaire chaque semaine dans le récipient supérieur, avait fondu depuis longtemps, et que le bac de récupération devait fuir légèrement. Une armoire en bois polyvalente accueillait vaisselle et batterie de cuisine. Sur le mur qui lui faisait face, un évier et un égouttoir jouxtaient un large poêle. C'était à peu près tout. La pièce était d'une propreté irréprochable que seule une petite flaque qui s'était formée sous la glacière venait altérer. Lorraine fit signe à Edward qu'elle allait ouvrir la porte de droite. Il acquiesça et se dirigea vers celle de gauche. Il n'y avait pas un seul bruit dans la maison et tout indiquait qu'elle était vide. Mais cela n'empêchait pas la prudence. La jeune femme tourna la poignée aussi délicatement que possible et découvrit un couloir au mur lambrissé dans lequel elle se glissa. À droite, une porte donnait sur une petite salle d'eau. À gauche, un salon plongé dans la pénombre de ses volets fermés. Lorraine, parvenant à deviner les silhouettes du mobilier, avança précautionneusement, à tâtons. Ici, un piano droit collé au mur. Là, un sofa. Plus loin, une bibliothèque débordant de livres. Au centre de la pièce, elle s'immobilisa, intriguée. Une odeur lui était montée aux narines. Et cette odeur était celle qui se dégage subrepticement lorsqu'on éteint la flamme d'une bougie. L'information, et ses conséquences évidentes, avait à peine atteint son esprit que Mademoiselle Chapelle entendit, mais trop tard, un bruit sourd dans son dos. Aussi, n'eut-elle pas le temps de se retourner pour parer l'attaque. Elle se retrouva alors avec l'avant-bras de son assaillant autour du cou. Collé derrière elle, l'homme surgit de nulle part, commença à l'étrangler. Lorraine, qui ne manquait ni de force ni d'agilité, tenta de se libérer de la prise, mais sans succès. Son agresseur, qui la maintenait fermement, avait une vigueur phénoménale. Rapidement, toutefois, Lorraine comprit qu'il n'essayait pas de la tuer, mais seulement de l'immobiliser. Aussi, suffoquant après une ultime tentative infructueuse, cessa-t-elle de lutter, espérant que ce geste de soumission éviterait que son ennemi ne change d'avis. « Vous êtes qui ?» cracha l'homme contre son oreille. « Qu'est-ce que vous foutez là ?» La jeune femme s'apprêtait à lui répondre péniblement quand, plus loin derrière elle, résonna le cliquetis caractéristique d'un revolver dont on arme le chien. Lors, la voix providentielle d'Edward Pierce, à la fois douce et ferme, s'éleva dans la pièce comme une sentence divine. « Lâchez-la, monsieur, ou je tapisse les murs de votre cervelle !» Il y eut un moment d'hésitation, et la poigne de l'homme se détendit. Lorraine, libérée mais la gorge en feu, fit un pas en avant, puis se retourna subitement pour découvrir son attaquant qui, les mains en l'air, la dévisageait avec une rage indicible. « Vous êtes Nick Tudor, n'est-ce pas ? » devina-t-elle en se frottant le cou. « Vous faites quoi chez ma sœur, vous autres ? » grogna-t-il en guise de réponse. L'homme, ses épais cheveux bruns coupés fort courts, avait le corps et la figure d'un boxeur. Il devait avoir dépassé la trentaine depuis peu, les épaules et la nuque larges, le nez épaté, la mâchoire carrée, les lèvres épaisses, les sourcils saillants et entrecoupés de cicatrices. Il n'était toutefois pas vilain garçon, arborant plutôt le physique d'un baroudeur endurci, marqué par les épreuves, certes, mais doté du charme singulier de quelques gladiateurs romains. Un Spartacus. « Baissez votre arme, Edward. Nous devons à ce monsieur des explications. » Le détective hésita un instant, puis, désarmant son revolver, il le baissa lentement. Toutefois, il le garda bien en main. « Je me nomme Lorraine Chapelle et voici Edward Pierce, détective privé. Nous enquêtons sur les disparitions qui ont eu lieu au cours des derniers mois. Nous aimerions donc comprendre ce qui a pu arriver à votre sœur et aux autres. »« Détective privé, alors vous avez rien à foutre ici, sortez !»« Si c'est vraiment ce que vous voulez, Nicky, nous allons sortir. Mais peut-être serait-il plus sage que nous discutions calmement. Ne souhaiteriez-vous pas que nous puissions retrouver Diana ?»« Vous dites sortir !» répéta le marin qui n'avait guère quitté son air courroucé. « Savez-vous ce qui a pu lui arriver ?» L'homme se tourna lentement et le regard menaçant fit un pas vers Edward. « Si vous sortez pas tout de suite, va falloir user de votre arme, monsieur. »« Vous avez reçu une lettre après sa disparition, n'est-ce pas ?» insista Lorraine derrière lui. « Si seulement vous vouliez bien nous la montrer, cela pourrait nous aider à... »« J'ai reçu aucune lettre, foutez le camp que je vous dis !» À cet instant, les sens aiguisés de Lorraine reçurent tous les signaux qui, dans le langage corporel, trahissent le mensonge. Le mot « lettre » avait fait tiquer l'homme. Une déformation du visage imperceptible au plus grand nombre, mais qui n'échappa guère à la criminologue. Dans un soupir, la Française jeta un dernier coup d'œil alentour, puis elle fit signe au détective. « Allons-y, Edward. Laissons Monsieur Tudor tranquille. » lança-t-elle avant de se diriger vers le couloir par lequel elle était arrivée. Si vous changez d'avis, monsieur, et que vous avez la bonne idée de nous parler, nous séjournons à Mousetrap Inn. Allez en enfer ! Il claqua la porte derrière eux.